Première partie, chapitre 11e de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 11e. Méditation des bienfaits de Dieu. Préparation. Premièrement, mettez-vous en la présence de Dieu. Deuxièmement, priez-le qu'il vous inspire. Considération. Premièrement, considérez à l'égard du corps tous les avantages que vous avez reçus de votre Créateur. Ce corps d'une conformation si parfaite et cette santé, ces commodités nécessaires à l'entretien de la vie, ces plaisirs naturellement attachés à votre état, ce secours et cette assistance de vos inférieurs, cette agréable et douce société de vos amis. Mais en tout cela, comparez-vous un peu à tant de personnes qui valent peut-être mieux que vous, qui sont dépourvues de tous ces avantages. Car combien en voyez-vous d'une figure ridicule, d'un corps difforme, d'une mauvaise santé? Combien y en a-t-il qui gémissent, abandonnés de leurs amis et de leurs parents, dans le mépris, dans l'opprobre, dans de longues maladies et dans l'accablement de la pauvreté? Dieu l'a voulu ainsi d'une manière pour vous et d'une autre pour eux. Deuxièmement, considérez tout ce qu'on peut appeler les avantages de l'esprit. Pensez combien il y a d'hommes hébétés et insensés, furieux, emportés, élevés grossièrement et dans une extrême ignorance. Pourquoi n'êtes-vous pas du nombre? N'est-ce pas Dieu qui a spécialement veillé sur vous pour vous donner une heureuse nature et une bonne éducation? Troisièmement, considérez beaucoup plus, Philothée, les grâces surnaturelles, la naissance dans le sein de l'Église, la connaissance si parfaite que vous avez eue de Dieu dès votre jeunesse, l'usage de ces sacrements si fréquents et si salutaires. Combien d'inspirations de la grâce, de lumières intérieures, de reproches de votre conscience sur votre vie déréglée, combien de fois Dieu vous a-t-il pardonné vos péchés et a-t-il veillé sur vous pour vous délivrer des occasions où vous étiez de perdre éternellement votre âme? Tant d'années que Dieu vous a laissé vivre, ne vous ont-elles pas donné tout le loisir d'avancer le salut de votre âme? Examinez ces grâces en détail et voyez combien Dieu vous a été bon et miséricordieux. Affection et résolution. Premièrement, admirez la bonté de Dieu. Oh, que mon Dieu a été bon pour moi! Oh, qu'il est bon, ô Seigneur! Que vous êtes riche en miséricorde, magnifique en bonté. Ô mon âme, prends plaisir à publier combien il t'a fait de grâce. Deuxièmement, étonnez-vous de votre ingratitude. Mais que suis-je, Seigneur, pour vous être ainsi souvenu de moi? Ô que mon indignité est grande, hélas! J'ai foulé aux pieds votre grâce par l'abus que j'en ai fait. J'ai déshonoré votre bonté par le mépris que j'en ai eu. J'ai opposé un abîme d'ingratitude à l'abîme de votre miséricorde. Troisièmement, excitez en vous une grande reconnaissance. Ô mon cœur, ne sois plus envers ce grand bienfaiteur un infidèle, un ingrat, un rebelle. Et comment est-ce que mon âme ne serait pas désormais soumise à mon Dieu qui a opéré tant de merveilles et de grâces en moi et pour moi? Ah, Philothée, commencez donc par dégager ce corps de telle et telle volupté, et par l'accoutumer à porter le joug du service de Dieu. Ensuite, appliquez votre âme à le connaître de plus en plus par tels et tels exercices qui peuvent vous y servir. Servez-vous enfin des moyens du salut que Dieu vous présente par son Église. Oui, je le ferai, j'entrerai dans sa pratique de la prière et de l'oraison. Je fréquenterai les sacrements, j'écouterai la sainte parole de Dieu, j'obéirai à sa voix, en suivant les conseils de l'Évangile et ses inspirations. Conclusion. Premièrement, remerciez Dieu de ce qu'il vous a si bien fait connaître, ses grâces et vos devoirs. Deuxièmement, offrez-lui votre cœur avec toutes vos résolutions. Troisièmement, priez-le qu'il vous y soutienne en vous y donnant la fidélité nécessaire. Demandez-la par les mérites de la mort de Jésus-Christ. Implorez l'intercession de la Sainte Vierge et des saints. Pater. Ave. Fin du chapitre 11e, première partie.